Top. Yes. Bonsoir. Bon, je dis bonsoir à tout le monde. Je vous redis bonsoir. Merci d'être venu au CERA. Les personnes, je crois que tout le monde connaît à peu près le CERA. Ceux qui ne connaissent pas, on pourra vous présenter autour d'un verre après la causerie de René. Donc, René Triol anime, alors je ne sais pas combien de temps ça remonte, mais déjà à l'ancien local, tu étais là. Donc, on va dire plus de 10 ans. Elle fait des cours d'espéranto et je crois que la date n'a pas changé, c'est toujours le mardi. Oui, oui, oui. Donc, elle, bon, avec un nombre d'élèves, elle nous en parlera parce que montrer aussi que le rapport entre bon, le mouvement espérantiste est large, hein, elle touche beaucoup de gens, mais une partie des anarchistes se sont intéressés à cette langue et il y avait même des journaux espérantistes anarchistes, mais ça, tu vas détailler tout ça. Mais aujourd'hui, tu es là plus pour nous parler d'un bouquin qui est paru. Voilà. Malheureusement, on n'a pas d'exemple. Enfin, s'il y en a qui sont passionnés par le sujet, pourront se le commander sur l'Harmattan. L'Harmattan est un éditeur qui tire à peu d'exemplaires et à des prix assez élevés. Mais il ne met pas les livres au pilon au bout de 2 mois. Bon. C'est le gros avantage. Alors, là, moi, je te répondrais qu'ils ne mettent pas au pilon parce qu'ils tirent un par un. Non. Quand on visite boutique, il y a du stock. Nous mettre les pieds, il y a des cartes. Il y avait des stocks, d'accord. Après, souvent, c'est l'auteur qui achète une partie et après, il répond à la demande. Quand un libraire le demande, peut-être il tire par petit bout, en tout cas. Bon, bref, c'est chez l'Harmattan. De toute façon, tu vas nous raconter les 400 pages, là, et on n'aura pas besoin de lire le bouquin, parce qu'on va tout savoir. Et je te laisse la parole, et merci d'être venu. Et... Merci au CERA de m'avoir invité à faire cette présentation d'un livre, donc, l'Espéranto, langue dangereuse, qui est en fait la traduction en français de la thèse d'un Allemand, Ulrich Lins, paru d'abord, d'ailleurs, sous forme de brochure en japonais à Kyoto en 1973. Je rajoute que Ulrich est marié à une japonaise et donc il était plus intéressé par le sujet. En 1975, donc en 86, l'Espéranto a paru chez Bleier. Il a paru après réimprimé par les éditions Progrès à Moscou. Et en 2015, on ouvre les archives de la Stasi, du KGB, etc. Et comme Ulrich Lins est un historien sérieux, il va refaire une deuxième refonte, disons, de son livre à partir d'autres documents auxquels il aura accès directement. Le reste aussi, c'est à partir de documents, mais certaines, justement, il faut attendre 87, par exemple, pour avoir la confirmation officielle que des espérantistes russes étaient au goulag. Tout le monde le savait. Ils avaient disparu de la circulation, c'était les purges pour tout le monde, on le savait. Mais on a la confirmation officielle seulement en 1987. Et donc ce livre dont vous avez dit, bon, il est lourd, et on en a pour son argent, avec des photos mineures, hein, il coûte 43 euros. Mais le plus dur, c'est un ouvrage universitaire en fait, donc le plus dur, ça a été de taper tous les bas de page, avec les notes, les guillemets, tout à l'heure vous parliez de la transcription pour les aveugles, mais les guillemets ne sont pas les mêmes selon qu'ils sont français, anglais ou je sais quoi, donc ça c'était vraiment le plus embêtant. Pas la traduction du livre. Donc moi j'ai participé à la traduction en français, il faut dire aussi que je suis professeur de russe, donc c'est un sujet que je connaissais déjà en partie. Et ce qui peut attirer, c'est justement langue dangereuse. Parce que est-ce que c'est l'adjectif que vous auriez accolé à Espéranto? Généralement, qu'est-ce que vous mettez? Espéranto? Langue de la paix. Langue de la paix. Universelle. Langue universelle. Utilitaire. Langue utile, utilitaire. Langue équitable. Langue facile. Enfin, mais on met rarement langue dangereuse. Or, effectivement, il y a des milliers d'espérantistes qui ont payé de leur vie, et ça continue, parce que justement, ils utilisent l'espéranto. Hein, ça existe depuis quand? 1887. Et c'est une démarche très moderne, puisque face à ce qu'aujourd'hui on appelle le communautarisme, donc dans une ville, Białystok, qui aujourd'hui est à l'extrême est de la Pologne, près de la Biélorussie, il y a des Russes, des Polonais, des Lituaniens, des Allemands, des Juifs, et tout le monde se tape gentiment dessus. Et donc le jeune Zamenhof, qui a 14 ans, il dit « mais peut-être que si les gens commençaient par se parler, pour se comprendre et échanger, peut-être que la situation irait mieux. » Donc à partir des langues qu'il connaît, il fait un brouillon. Donc le père dit surtout pas, passe d'abord ton bac, donc il ira faire des études de médecine à Moscou, il y rencontrera d'ailleurs Tchekhov, qui lui aussi a mal tourné, puisqu'au lieu de rester médecin, il deviendra auteur dramatique. Donc c'est comme ça que naît l'espéranto. Et après, Zamenhof fait une étude de marché en disant « s'il y a 10 000 personnes qui veulent apprendre l'espéranto, j'édite le premier manuel ». Et c'est la dot de sa femme qui sert à ça, en 1887. Et depuis, ça n'a fait que croître et embellir. Donc, au niveau de la présentation, je préfère que vous posiez les questions pendant le cours de la conférence plutôt qu'à la fin, qu'on y revienne. Où je vous dis, oh, attendez un moment, je vais en parler, voilà, on traite le sujet directement. Donc, jeunesse de l'espéranto, donc jeune polonais, Zamenhof, un homme de cœur, humaniste, idéaliste, et lui-même dira, peut-être que si je n'avais pas été juif du ghetto, j'aurais été moins sensible à tout ce qui est discrimination, mise de côté, etc., etc. Bon, d'autres diraient que c'est une famille de petits bourgeois. Le père est censeur, donc il contrôle ce qui paraît, et professeur d'allemand, auteur lui-même de livres sur les proverbes allemands, etc. Donc, en 1879 à Moscou, assassinat d'Alexandre II. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Oui. Donc, il vient d'abolir le servage, disant, de toute façon, c'est dans l'air du temps, il vaut mieux que l'idée vienne d'en haut plutôt que d'en bas. Donc, il y a quand même différents mouvements. Donc, il veut changer la Constitution, mais c'est la pleine période des pogroms, dont je rappelle que l'origine, c'est Gramic, donc c'est un mot russe, qui n'en sont pas très fiers, et prise de conscience, justement, de l'antisémitisme vis-à-vis de tout ce qui est non-russe. Et donc, en 1887, on vient d'en parler, parution du premier livre, La Unua Libro, sous le nom justement de Doctoro Esperanto, le docteur qui espère, parce qu'à cause de la censure, il ne va pas risquer de mettre son nom et donc de mettre son père en danger, en fait. En 1891, il y a déjà 33 livres d'apprentissage en 18 langues. Donc c'est vraiment bien parti. Et en 1889, c'est le premier annuaire avec une liste de 1000 personnes, dont 919 en Russie. Et donc le russe, enfin l'espéranto parle très bien en Russie parce qu'il a aussi le soutien de gens comme Tolstoï, qui, comme Victor Hugo, est connu de son temps et apprécié de ses contemporains, de son vivant, et donc ses paroles d'évangile. Donc Tolstoï dira qu'il a appris l'espéranto en 2 heures. En fait, bon, en 2 heures, il a compris les 16 règles de grammaire qui tiennent dans 6 pages. Mais connaissant d'autres langues, il arrive à en avoir une connaissance passive. Donc l'espéranto est bien parti. Et là, on en est à ce que j'ai intitulé « Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage ». Parce que justement, on va reprocher à l'espéranto ce pourquoi il a été construit. Ce pourquoi, parmi les langues, il en est apparu une nouvelle. Je rappelle qu'aujourd'hui, on était sur la base de 7000 langues. Et maintenant, on vient d'évaluer à 8000 langues dans le monde. Donc, la Russie, surtout, déjà, toujours en Russie, puisque c'est le thème de les Russes et l'Allemagne, suspicion. Oui, ben moi, je suis étonné parce que je sais qu'il y a plein de langues qui disparaissent. Oui, moi aussi. Oui, oui. Mais justement, il y a plein de langues qui disparaissent. En gros, on calcule mieux tous les 15 jours. Mais à mesure qu'on étudie mieux les langues autochtones, par exemple, on est actuellement avec l'UNESCO et l'ONU dans la décennie des langues autochtones. Donc il y a plus de gens qui s'intéressent aux langues autochtones et donc on s'aperçoit qu'elles ne sont pas les mêmes. Même si en se promenant en Amazonie ou au fin fond de la forêt du Congo. Il y a des gens qui parlent, maintenant on sait qu'ils ne parlent pas la même langue. Donc pour l'instant on en est à 8000 langues. Même si, justement, malheureusement, il y en a qui disparaissent, justement, faute de locuteurs, faute d'accès à Internet, faute de littérature écrite. Hein, bon. Ce qui a sauvé le provençal, c'est le Félibrige. C'est que quelqu'un comme Mistral donne un dictionnaire, le trésor du Félibrige, donne une littérature, donc ça devient une langue. C'est pas simplement le patois parlé à la campagne, par la grand-mère, qui va ramasser les pommes de terre. Hein, donc dans beaucoup de pays, on parle, mais il n'y a pas de traces écrites. Hein. Ah, y revenir pour la Russie d'ailleurs. Donc entre 1887 et 1917, donc ça fait 30 ans, il y a quand même 130 dossiers administratifs en Russie contre les Russes. Donc on commence déjà à les marquer du doigt. On ne les envoie pas encore au goulag, mais déjà, ça fait mauvais effet, on les suspecte de tous les maux, on les suit à la trace. Et donc le père de Zamenhof est démis de ses fonctions pour offense au tsar. Vous savez pourquoi? Parce qu'il publie un article sur le rôle de la trop grande consommation de vin et l'influence sur les capacités intellectuelles de l'homme. Donc évidemment, ça déplaît. Dire que boire trop de vodka, ça fait que les gens réfléchissent moins bien, ça ne plaît pas. Hein. Bon, quelqu'un d'autre reviendra sur ça, c'est Gorbatchev, hein, qui constatant qu'il y a énormément d'accidents du travail, qu'il y a des enfants débiles parce que justement les parents sont alcooliques, ça fait arracher toutes les vignes, ce qui n'empêchera pas les gens de boire. Ils vont inventer ce qu'il y avait le samagone, hein, le torboyau fait maison, et il y avait plein de blagues à l'époque, le gars qui disait « Moi, je ne risque pas de quitter la Russie, c'est là qu'on fait le meilleur torboyau. Hein, » Avec du shampoing, de la lessive, etc. Il y a eu plein d'intoxications, d'empoisonnements, de gens qui en sont morts aussi, alors que des pays comme la Géorgie produisaient du vin, produisaient du cognac, et c'était la grande richesse. On n'a pas réglé le problème de la consommation de, à titre tout à fait annexe. J'ai vu hier dans le métro à Paris la réclame de la première bière française, la première vodka française. Évidemment, elle a un nom en anglais. Lui donner un nom en français ou russe, c'était pas assez porteur. Bon, en 1892, première société d'espéranto à Moscou. En 1895, la revue La Espérantiste est interdite en Russie. Ce qui fait que la revue va perdre trois quarts de ses abonnés. Sur quel motif? Pareil, c'est des gens qu'on suspecte parce qu'ils ne sont pas dans la droite ligne de ce qu'on attend. Et on imagine, c'est des pays qui sont comme ça, hein, que du moment que les gens ne pensent pas comme vous, c'est qu'ils sont contre vous. Et donc, c'est des ennemis, bon, je ne peux pas dire ennemis du peuple, parce que l'expression viendra plus tard, mais ce sont des ennemis du pays, etc. Hein. Alors, je peux faire une digression, si vous permettez. J'ai un document de novembre de cette année, du 5 novembre, des élèves d'espéranto, Marcelin et Jean Didier, qui ont été arrêtés en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient espéranto dans la rue. Ils sortaient du cours et pour pratiquer, ils parlaient entre eux. Donc les soldats, la police, ne comprenant pas ce qu'ils disaient, les ont directement amenés en cellule. Donc ils y sont restés quelque temps. Et ensuite, bon, on est intervenu pour prouver que, bon, simplement, ils parlaient la langue qu'ils apprenaient. Hein. Donc, on est toujours dans cette... on n'a pas tellement progressé depuis 1891. Hein. Et suite à la perte, justement, de trois quarts des abonnés, il y a une très violente intervention de Tolstoï. Alors, évidemment, on n'ose pas arrêter Tolstoï. Et lui peut crier haut et fort ce que les gens pensent tout bas, parce qu'il y a une prestance nationale et même internationale qui sait que, bon, on écoute ce que dit Tolstoï. Donc, on reproche à l'espéranto d'être une langue internationale. Alors, il y a de quoi tomber sur les fesses, puisqu'elle a été construite exprès, hein, à côté des langues nationales, une langue vraiment internationale qui n'est pas la langue d'une nation. Alors, en 1912, en Allemagne, je cite, tout internationalisme est dangereux et contraire aux intérêts allemands. Donc, l'espérantisme est une excroissance d'un internationalisme exalté. Je peux vous citer page 52. Vous voyez déjà, on n'est pas encore sous les nazis, puisqu'on est en 1912, mais on frôle déjà. Alors, quand les espérantistes allemands répondent que l'espéranto est un outil neutre de communication qui ne donne de privilège à aucune nation, les nationalismes cherchent à privilégier l'allemand, hein, la langue allemande, ce qui n'est pas plus mal. Mais ce n'est pas une raison pour interdire la langue internationale. Et même aujourd'hui, c'est un des arguments de l'espéranto pour préserver chaque langue nationale et ne pas les faire disparaître à cause du tout anglais. On peut communiquer par une langue qui n'appartient à aucun pays et à aucun peuple. L'espéranto est un obstacle à l'expansion du commerce allemand dans le monde entier. Alors là aussi, chercher le rapport avec la choucroute, hein, je veux dire. Alors là, aujourd'hui, par contre, quand le directeur de Bosch fait des marchés en espéranto avec son homologue chinois, mais tu sais, Bouscouju, hein, là, dans la presse, on n'en parle pas, personne ne sait. Hein. Mais justement, ils savent de quoi ils parlent. En espéranto, c'est plus facile, pour le chinois notamment. Et donc, c'est comme ça que Bosch continue à faire ses marchés. Hein. Alors après, on va dire que c'est la langue de la franc-maçonnerie. Hein. Pareil, les francs-maçons, c'est pas trop qui c'est. Donc, secte secrète, des trucs cachés, des gens avec des symboles qu'on ne comprend pas. Donc... Alors, en 1913, pour la Hongrie, c'est une langue, c'est la langue des voleurs. Ça, c'est nouveau, parce que justement, pourquoi voler plus par l'espéranto? C'est encore un des milieux, bah, comme ici, j'imagine, on peut laisser son sac à main sur une chaise et il n'y a personne qui va venir le voler. Hein. Mais bon. Alors, après, par contre, un critère plus intéressant, c'est un danger pour les langues nationales. Alors, l'Allemagne, on a vu, l'espéranto détruirait la culture s'il était introduit dans les écoles. L'espéranto est destructeur de la langue allemande et on en veut au prix Nobel de chimie, William Ostwald, qui, aux États-Unis, propage l'espéranto plutôt que l'allemand. Et lui, il se consacre à la diffusion de l'espéranto parce qu'il trouve que c'est plus facile pour tout le monde, notamment pour faire circuler les résultats de la science allemande. En 1921, à Taïwan et en Corée, rejet complet de la langue japonaise. Donc, eux, on comprend qu'ils rejettent le japonais, puisque c'est l'oppresseur, c'est l'envahisseur, et c'est celui qui va, enfin, les japonais qui vont se servir des femmes coréennes, comme, comment ils appellent ça, objet de... Femme de plaisir. Femme de plaisir, voilà. De repos. C'est... De repos, voilà. De hein. Confort. Oui. Femme de confort, hein. Donc, dit pourquoi pas l'espéranto à côté. Alors après, on reproche à l'espéranto d'être une langue facile. Or justement, elle a été faite exprès pour que le monde, les gens, quelle que soit leur langue d'origine, puissent l'apprendre vite et bien. C'est un des critères. Et donc par exemple, en 1928 en Bulgarie, le ministre interdit l'enseignement de l'espéranto, je cite, car l'espéranto est une langue facile, les élèves s'habitueront aux choses faciles, et perdons la volonté d'apprendre des choses plus difficiles. On entend, on est, c'est ainsi. Parce que justement, en 1922, là on est en France, c'est pas mieux, dont le ministre Léon Bérard interdit l'espéranto, car son enseignement menace l'éducation à la culture latine. Donc, la culture latine, c'est aussi l'élite, hein, qui fait du latin et du grec. Ça a toujours été, bon, de mon temps, il y avait le concours d'entrée en sixième, les bons élèves allaient au lycée faire du latin, les moins bons, ils étaient en moderne, et les encore moins bons, ils étaient enfin, ils n'allaient que jusqu'au BEPC dans les cours complémentaires. Hein. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on est encore sous cette circulaire Bérard. Il est interdit d'enseigner l'espéranto en France. Donc, au lycée, collège, s'il y a un prof volontaire qui veut le faire, donc on peut le faire dans le foyer socio-éducatif, en primaire, officiellement, c'est interdit. Et donc, vous avez les profs généralement freinés qui, à travers la correspondance internationale, l'ouverture sur le monde par des chansons, etc., vont le faire en espéranto. Officiellement, c'est... Il n'y avait pas le lycée de Franche-sur-Saône, en France. Oui. Et là, c'était dans quel cadre? Alors là, c'était le cadre que, un, le proviseur allait prendre sa retraite, et donc, il se moquait du recteur, des directives du rectorat, etc. Et c'était un projet propre à l'établissement. Et donc, c'est les professeurs. Le professeur de français avait donné une heure, le professeur d'histoire géo avait donné une heure. Et là, les élèves apprenaient l'espéranto. Et en fin de partout, on s'est aperçu, comme toutes les fois qu'on a fait des expériences, que les élèves qui avaient suivi ce cursus étaient aussi bons en français, et au contraire, ils avaient peut-être mieux compris. En histoire géo, au contraire, ils avaient une ouverture sur le monde, puisqu'ils se recevaient des conférenciers étrangers, etc. Ils n'étaient pas plus mauvais que les autres, et en plus, ils avaient l'espéranto. Mais justement, les espérantistes étaient si fiers, ils l'ont fait savoir haut et clair, et à ce moment-là, le rectorat est intervenu pour l'interdire. Hein. Mais c'était surtout... C'est à quelle période? Soit dans les années 70, il me semble, 70-80. On le citait, ce lycée. Oui, c'était dans les années 70-80. Je ne peux pas vous dire qui était le ministre de l'Éducation à l'époque, mais justement, c'était surtout parce que le principal de collège n'avait pas peur de la hiérarchie. Hein. Aujourd'hui, c'est que des... Ils s'abaissent tous, vous voyez, hein, vendre à terre. Hein. Enfin, par contre... Donc, justement, là aussi, Bérard suppose que l'espéranto, à travers le développement d'une langue artificielle, attirante par sa facilité, détournera les élèves d'un cursus plus difficile. Autre reproche, c'est une langue à la portée de tous. Non, non, mais justement. Vous dites juste au ciel, parce que justement, c'est ce pourquoi elle a été faite. En 1907, en France, Jaurès et Vaillant propose de l'espéranto pour les informations officielles du Bureau Socialiste International. L'Allemagne met son veto. Et Paul Singer, notamment, car en cas de guerre, le prolétariat frapperait et se rebellerait massivement. Donc déjà en 1907, on prévoit que... L'espéranto ouvre les portes à des relations durables entre les personnes de classe subalterne. Les contacts internationaux restent le monopole de l'élite. Bon, là aussi, on n'a pas beaucoup avancé. Hein. Quand on dit aujourd'hui, on pousse l'anglais, parce que il y a ceux qui pourront l'apprendre, qui auront eu une nourrice, une babysitter anglaise, qui auront pu faire des stages, aller à Londres, à New York ou à Sydney, et qui parleront mieux anglais que les autres, hein, qui eux, ben, ils seront restés dans leur quartier. Et donc, c'est aussi un critère pour l'élite. Nous avons la chance de parler bien. Alors qu'avec l'espéranto, si tout le monde se comprend et qu'on peut être diplomate ou ambassadeur en parlant espéranto, ou aller à l'ENA en parlant espéranto, ça choque certains. En 1913, pour la Russie, l'espéranto est un outil pour répandre des idées nuisibles parmi la population. Alors, quelles idées nuisibles, c'est à vous de chercher. On le verra après, ce sera forcé sous Staline. Hein, donc, justement, permettre aux gens de communiquer librement et de dire ce qu'ils veulent dire, sans se faire le porte-parole de l'État, de la politique du pays, etc. Alors là aussi, l'espéranto reconnaît les minorités. On peut dire bravo. Hein, on est d'ailleurs actuellement, je vous l'ai dit au début, dans la décennie des langues autochtones, et donc l'Association universelle d'espéranto, qui est en relation de conciliation avec l'UNESCO ou l'ONU, fait partie des chefs de file pour s'occuper des langues minoritaires. Et dire justement, il vaut mieux commencer à alphabétiser les enfants dans leur langue maternelle que dans une langue qu'ils ne connaissent pas. Et moi, si on avait commencé à apprendre la lecture à partir d'un texte en hongrois, je ne sais pas si j'aurais beaucoup avancé. Or, c'est le cas de beaucoup d'enfants, justement, des minorités linguistiques, quel que soit le pays d'origine, d'ailleurs. Alors, on revient à l'époque de Zamenhof, donc face au communautarisme. Évidemment, l'espéranto soulève l'intérêt des minorités en Russie, hein, puisque vous avez la Russie, on est russe, hein, avec toujours la nationalité, hein, et d'ailleurs actuellement en Ukraine, quand vous voyez l'armée russe, on n'en voit pas les Russes, on en voit des bouriates, des mordves, hein, des gens d'autres minorités. Pas les Russes, les Russes c'est un chef. Donc toujours avec l'appui de Tolstoï. Alors 1921, c'est la fameuse Société des Nations qui essaie de se construire après la guerre de 14-18 pour essayer d'atteindre un semblant de paix dans le monde. Et donc le programme de l'espéranto est considéré comme dangereux car il s'efforce de créer la séparation d'une langue et d'une patrie. Et pour les Français, ça, c'est équivalent à la séparation de l'Église et de l'État. Donc à la Société des Nations, il y a des pays comme la Corée, l'Iran, le Japon, l'Italie qui soutiennent l'introduction de l'espéranto comme langue de travail pour la Société des Nations. La France met son veto, en disant notamment, mais nous avons, nous, déjà une grande langue de culture que tout le monde connaît, et c'est comment il s'appelle, le chef de délégation qui était pour, mais lui, bon, il va représenter l'État, donc il est obligé de voter contre. En Lituanie, au contraire, l'espéranto, c'est le mouvement révolutionnaire, hein, puisque les Lituaniens ne sont pas russes, hein, ils sont lituaniens. Et donc on arrive aux premières persécutions contre l'espéranto. Alors, comment ça se manifeste, d'après vous ? Interdiction des journaux, déjà. Interdiction des journaux. Des livres. Des livres, hein, tout ce qui peut circuler. Des associations. Des associations. Blocage des fonds. Mmh. Hein, parce que, déjà à l'époque, business is business. Hein, donc, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et donc, et aujourd'hui, ça continue, hein. Donc, en 1895, c'est les premières interdictions à Saint-Pétersbourg. En 1921, au Japon, discours sur le cosmopolitisme et l'espéranto, interdit par la police, et les publications de SAT, de l'association, l'association anationaliste d'espéranto. Et on ne reconnaît pas la France et la Belgique, mais il y a une zone francophone, etc. Donc, est interdite. C'est pas une association de travailleurs ? Non, ça devient... Ça, après... Sat Amicaro, là. Oui, non, non, oui, oui. Sat Amicaro, c'est la section française. D'accord. Mais au départ, c'est anationaliste, et effectivement, ce sera plus porté vers les travailleurs que vers les enseignants, par exemple. Donc, interdiction de club, 1906 à Vladivostok, interdit de parler publiquement de l'espéranto. Donc, il faut que ça reste entre soi. Harcèlement au niveau régional et pas de stalles à la disposition pour les cours. Je dois dire, moi, j'ai eu à régler le même problème en 1990-95 en Tanzanie. Dans un camp de réfugiés, quelqu'un disait, bon, il y a des gens de tous les pays, on va s'occuper intelligemment, on va faire un cours d'espéranto. Et justement, on ne voulait absolument pas leur mettre de salle à disposition. Parce que c'est le meilleur moyen de couper court, à tout court, si vous permettez. Bon, après, comme vous avez dit, on arrête les espérantistes ou on les persécute. Alors là, je vous renvoie à une belle phrase du ministre de l'Éducation de Madagascar il y a 2 ans, que les langues sont innocentes. Mais ce sont les gens qui les utilisent ou qui s'en servent comme outil qui sont coupables. Donc en 1895, en Russie, enquête sur les personnes qui, en cachette, lisent et diffusent l'article Discernement, croyance, qui est un article de Tolstoï. Justement, contre la religion qui est sous partout le pilier de l'État. Et même aujourd'hui, Poutine est un pilier de la religion orthodoxe. Vous avez le jour de Pâques, le premier, ou à Noël, et le Alexis II, qui est l'équivalent du pape dans la religion orthodoxe, est à fond pour la guerre en Ukraine, parce que c'est Poutine qui l'a dit. Alors qu'on pourrait imaginer qu'un religieux parle plutôt de paix, surtout de gens, vis-à-vis de gens qui sont des frères. Alors en 1995, le Slovaque Schwarzen est arrêté pour refus de service militaire. Alors là, on entre dans quelque chose de plus délicat, parce que est-ce qu'on l'arrête parce qu'il est espérantiste ou parce qu'il ne veut pas faire son service militaire? Est-ce qu'il ne veut pas faire son service militaire justement parce qu'il est espérantiste, convaincu que c'est une forme d'humanisme, que tous les hommes sont frères, etc., etc. Ça, c'est difficile. Bon, en ce moment, moi, je suis essayé de régler le problème d'espérantiste en Égypte. Arrêté, et pas moyen de savoir pourquoi. Si on disait, bon, c'est un voleur, c'est un bandit, c'est un violeur, c'est pour ça qu'il est en prison. Non, il n'y a rien. Mais jamais on vous dira, il est en prison parce qu'il fait de l'espéranto. Hein, ça, on ne le dira pas. En 1911, on emprisonne le délégué de Kronstadt, hein, le port militaire à côté de Saint-Pétersbourg. Et après, on passe à la phase suivante, dans l'exécution des espérantistes. Hein, les mettre en prison, ce n'est pas suffisant. Donc, en 1993, on commence par le Tchèque Vladimir Lorenz, qui fuit vers le Brésil pour persécution de la police autrichienne. En 1912, en Chine, on emprisonne les dirigeants car l'espéranto va provoquer une révolution. À l'époque de Mao, au contraire, la Chine va défendre l'espéranto. On aura le petit livre rouge en espéranto, bien avant de l'avoir en français, justement, pour diffuser les idées de Mao. En 1922, c'est le poète hongrois Rejs Rajcik qui meurt des suites des tortures en prison. En plus, un poète, vraiment, ce ne sont pas des gens dangereux, les poètes. Donc les persécutions vont prendre toutes les formes possibles en Allemagne, en Belgique, en Roumanie, en Hongrie, en Italie, en Lituanie, en Lettonie, en Pologne, en 1924 à Split, hein, donc c'est actuellement Split, c'est la Croatie, hein. En 1922 à Cluj, en Roumanie, l'espéranto est un très beau mouvement culturel. Seule l'utilisation de la langue à des fins interdites nécessite une sanction. Alors, je ne sais pas si vous comprenez le sens de cette phrase, c'est très politique, hein. Donc, l'espéranto en soi, c'est un très bon mouvement culturel, mais l'utilisation de la langue mérite une sanction. En 1925, en Estonie, les groupes ne peuvent pas fonctionner en raison de l'emprisonnement de la plupart des membres. Donc, effectivement, s'il n'y a plus personne pour faire cours ou plus personne pour pousser les gens à écrire des articles, diffuser, comme on le fait, ils font aussi, faire des affiches, faire des tracts, en parler à l'université, donc évidemment, ça, l'espéranto mourra de sa belle mort. Donc on arrive sur ce petit à petit à la République de Weimar et Hitler, hein, qui est une grosse partie du livre. Donc en 1926, en Allemagne, sur 30 886 espérantistes, plus de 4 000 sont dans l'association des ouvriers, quand même une grande partie. En 1920, alors là aussi c'est une autre façon de se venger de l'espéranto, aucun espérantiste ne peut être enregistré comme linguiste, que ce soit à l'université, dans des colloques, etc. Vous dites, bon voilà, je suis linguiste, je représente l'espéranto. Ah non, l'espéranto, c'est pas une langue, donc aucun linguiste. Mais par contre, on va dire que l'espéranto contribue à affiner la compréhension du bon usage de la langue maternelle. Et le record battu par Iphigénie de Goethe. Donc, au premier congrès mondial d'espéranto, en 1905 à Boulogne-sur-Mer, c'est la première fois que les gens se rendent compte que ça marche. Hein, ils l'ont appris avec des. À l'époque, il n'y a que des livres ou la correspondance. Là, ils se rencontrent, ils parlent, ils voient que ça marche. Et donc, et on joue Iphigénie de Goethe en espéranto. Alors, bravo, hein. L'espéranto, qui est quand même une langue toute jeune, en 1905, elle a 20 ans. On peut quand même traduire du Goethe et rendre les nuances, etc. Très bien. Par contre, en 1920, c'est un sacrilège contre une chose sacrée, la langue maternelle. Et on a peur que les mots étrangers migrent vers la langue allemande. Je ne sais pas aujourd'hui où on est l'allemand par rapport à l'anglais, mais j'imagine qu'il y a pas mal de mots étrangers qui ont migré vers l'allemand, comme vers toutes les langues. Alors, pour les nationaux socialistes, évidemment, on ressort l'origine juive de l'espéranto. Alors, en fait, l'espéranto n'est pas d'origine juive. Zamenhof était juif non pratiquant, simplement, ben, il était né à l'époque à Bialystok, il y avait des juifs, il en était. Hein. L'espéranto est l'ennemi mortel de toute évolution nationale. Et arrive Hitler, alors là je vais vous lire ce qu'en passe Hitler, c'est pages 104 et 105. Alors justement, il met tout dans le même panier. Hein. Tant que le juif n'a pas maîtrisé les autres peuples, il doit parler volontiers leur langue. Mais dès que ceux-ci deviennent ses serviteurs, ils devraient tous apprendre la langue universelle, espéranto, afin que par ce moyen, la juiverie puisse les diriger plus facilement. Alors, bel amalgame, si tout le monde parle espéranto, c'est les juifs qui vont gagner, s'accaparer le monde. Cette langue bâtarde, sans racines dans la vie du peuple et sans littérature dérivée de cette vie, est sur le point d'acquérir la position mondiale qui lui est assignée par le plan sioniste et va aider à l'extermination du patriotisme chez les futurs esclaves de Sion. Bon. Il n'a jamais été question de sionisme ou de prendre la main sur l'ensemble du monde. Hein. Simplement, l'espéranto, c'est une langue, chacun après en fait ce qu'il en veut, mais au service de tout le monde, pour dire n'importe quoi. Bon, je n'ai pas porté l'annuaire d'espéranto avec le nombre d'associations professionnelles, loisirs, idées, religions. Enfin, il y a 70 associations différentes. Bon, ici à Marseille, il y a les naturistes, par exemple, qui vont à fond pour l'espéranto. Dans d'autres coins, ce sera d'autres gens avec d'autres intérêts. Alors, Berendt, l'espéranto est plus qu'un mouvement linguistique. Alors lui, c'est le seul qui est compris. Hein. Mais il parle de conspiration mondiale contre l'Allemagne, ce qui n'a jamais été le cas. Et au contraire, on verra pendant la guerre de 14 et pendant la guerre de 39 que grâce à l'espéranto, l'association d'espéranto, dont le siège à l'époque est à Genève, on va aider, autant que faire se peut, les familles à communiquer, les gens à retrouver les prisonniers de guerre, travailler avec la Croix-Rouge, ça a donné des médicaments, etc., etc. Alors, en 1933, Hitler arrive au pouvoir. Alors là, en deux temps, trois mouvements, liquidation du mouvement ouvrier, confiscation du stock de l'éditeur communiste, disait, on prend tous les bouquins et on les met au pilon, arrestation du dirigeant, emprisonnement des activistes, l'ouverture des cours est refusée. Bon, j'ai eu, je vous ai dit, le même problème en Tanzanie, mais j'ai eu aussi le problème à régler à l'époque de Saddam Hussein, quand j'étais vice-présidente de l'Association internationale d'espéranto. Hein. C'était exactement les mêmes problèmes que sous Hitler. Alors, pour la Gestapo, l'espéranto est la langue secrète des communistes. Je vous dis là, au Congo, hein, RDC, on arrête dans la rue des petits jeunes parce qu'ils parlent espéranto entre eux et que la police ne comprend pas. Donc de là à passer tout de suite à c'est qu'ils disent du mal de nous. Donc là, le problème, c'est l'association d'espéranto, GOEA, German Esperanto Association, qui doit jongler entre, justement, pour continuer à exister, sans faire complètement allégeance à toutes les idées d'Hitler. Donc, continuer à exister sans se soumettre aux directives. Donc, demande sa mise en conformité pour pouvoir exister. Refus. On ne prend qu'il ne doit pas y avoir de non-arien, de marxiste, de communiste. Or, parmi l'association allemande d'espéranto, ben, il y a un peu de tout, comme partout et toujours. Donc, par contre, le 29e congrès universel doit avoir lieu à Cologne, invité dès 1932 par Adenauer. Donc, 1930, les étrangers hésitent à aller en Allemagne. Il y a déjà des bruits de bottes. Donc, et ils se retirent, il n'y a pas de Polonais, il n'y aura que 900 participants de 32 pays, alors que généralement, on est autour de 3000, de 60 pays. Donc, nouveau statut de GOEA, et alors là, on va lui reprocher d'avoir publié en 10 000 exemplaires le plan en espéranto, le pamphlet anti-juif d'Hitler. Et ça, ça va être un gros poids sur l'association allemande d'espéranto, qu'ils aient diffusé le pamphlet anti-juif d'Hitler. Alors, y a-t-il des espérantistes nazis? Donc, on fait voter dans les statuts qu'il ne doit y avoir que des Ariens. Pour 22 contre 1048. Donc, la grande majorité et quand même pour le fait que ben, n'importe qui, même s'il n'est pas arien selon les critères d'Hitler, a le droit d'être dans l'association d'espéranto. Et en 1937, pour satisfaire aux exigences de l'époque, je cite, « Les membres de GOEA ne peuvent être que des membres du même peuple allemand. » Bon, en France aujourd'hui, pour être membre d'une association, enfin, le CA doit être de nationalité française, hein, pour la déclaration à la préfecture. Donc, là, c'est vraiment non-arien. Et donc, on se dirige gentiment vers l'interdiction. En 1935, affaiblissement des valeurs essentielles. En 1934, à Magdebourg, exclusion du seul juif du groupe entraîne la démission volontaire d'un quart des membres. Donc là, les gens suivent. Ils ne sont pas tous d'obédience nazie. On veut exclure d'office le membre non-arien. Juif, et donc les gens démissionnent. À Düsseldorf, alors là c'est intéressant, on est sur 36 personnes arrêtées, 29 sont des espérantistes. Alors là aussi, pourquoi? Est-ce que c'est le fait qu'ils parlent espéranto, qu'ils soient espérantistes, ou est-ce qu'on leur reproche autre chose? Là ça va être toujours très dur. Hein. Nulle part, bon, et Ulrich a bien cherché, nulle part n'apparaît. Et espérantiste, c'est pour ça qu'on l'arrête. Mais le résultat est le même. Donc, Heydrich recommande de dissoudre les interdits des associations locales et de confisquer les biens. Il ne faut pas croire. Hein. C'est aussi intéressant. Hein. C'est ce qui se fera aussi en Lituanie ou Lettonie quand les Russes arriveront. Goebbels, dans le JO de 1936, interdit d'adhérer à une association au cas où les gens donneraient une mauvaise opinion de l'Allemagne. Et même chose aux Pays-Bas. La Gestapo des Pays-Bas, aux Pays-Bas arrête les gens. Il y a une résistance antifasciste. Les communistes sont très actifs. Ils ont déjà des réseaux. Donc, ils servent de pont pour faire circuler les informations, les messageries entre la Tchécoslovaquie et la Saxe, aident à la fuite de persécutés, puisque pareil, on connaît quelqu'un qui connaît et on peut donner des points de partir. Alors dans les camps, des forums secrets se créent, mais on harcèle ou on intimide les espérantistes. Et alors, la cerise sur le gâteau, toute la famille de Zamenhof est arrêtée et liquidée. Hein. Donc, le fils aîné est fusillé en 1940, tous les autres mourront à Treblinka, sauf le petit-fils, hein, qui va fuir le ghetto deux fois et trouver du travail pour à la campagne, des tomates, etc. Vous l'avez dans un livre en espéranto qu'on a traduit en français, La rue Zamenhof, La Zamenhof à Lingvo. Et donc, il va prendre, il va oublier son nom Zamenhof et il va s'appeler Zaleski. Et après, il reprendra Zaleski Zamenhof. Il est mort en 2019. Zamenhof lui-même, il est mort en quelle année ? Zamenhof est mort pendant la guerre de 14. En 1917. Il n'aura pas vu la fin de la guerre, alors qu'il avait écrit des lettres à tous les diplomates, justement, pour la paix, réfléchissant un peu. Hein. Et donc, il n'aura pas vu ça. Heureusement pour lui. Hein. Donc, on va liquider les espérantistes en Autriche, dans les Sudètes, en Pologne, en Tchécoslovaquie, dès 1934. Hein. Donc les francs-maçons, les marxistes, les églises à savoir, les libéralistes, les pacifistes, les émigrants et les espérantistes. Et avec l'idée de se procurer tous les trésors du musée de Vienne, en Autriche, c'est un musée officiel, le musée d'Hofburg, parce que justement il y a des archives, il y a des documents, il y a des noms, c'est effectivement une mine de renseignements pour la Gestapo. Le modèle nazi, bon ça je ne vous apprends rien, s'installe aux Pays-Bas, en Belgique, en Pologne, au Portugal, en Espagne, en Italie. Hein, et donc tout le monde plus ou moins copie. Hein. Donc en 1940, on saisit le journal de Flandre Esperanto Ligo. Hein. Donc pareil, s'il n'y a plus rien. Bon, c'était Paco Justeco, donc paix et justice. Ah, ça sonnait mal pour les gens qui voulaient. Hein. Le responsable du musée de Vienne va se retrouver à Mauthausen. Et ce qui est amusant, si on peut dire, c'est que même les SS du camp n'en reviennent pas qu'il ne soit là que parce qu'il est espérantiste. C'est sa seule tare, parler espéranto. En 1937, congrès à Varsovie. Alors justement, les participants sont terrorisés parce qu'il y a une campagne contre eux, bien avant. Et donc, il n'y a pratiquement personne qui, en 1937, va au Congrès mondial de Varsovie, qui est pourtant la date historique. Quant à dire, justement, on n'en revient pas avec l'espéranto, je fais une digression à propos des petits bateaux. Je ne sais pas si vous connaissez cette émission sur France Inter. Hein, dont le dimanche, les enfants disent « j'ai 4 ans », etc. Et donc, à l'occasion de, je ne sais pas, 200e, 300e émission, Le Monde interroge Noël Bréa en disant « y a-t-il des sujets tabous ?» 3. Dieu, le sexe et l'espéranto. On vient juste après Dieu, ou presque. Justement, où les gens n'ont jamais fait, ils disent ça ne marche pas, etc. Où ils en font, et c'est tellement bien qu'ils ne peuvent pas dire quelque chose comme Dieu, où on croit ou on ne croit pas. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est un compliment, mais enfin, c'était la réponse. Alors, parmi les dictatures de tous bords, avant de passer à la Russie, le Portugal, en 1922, on a Salazar, qui en 1936 ferme les associations d'espéranto. En 1948, interdit toute activité. Et alors, les publications et enseignements. Et c'est là que les Portugais sont malins. Ils vont faire un cours d'espéranto dans les papiers qui entourent les savons, par exemple. Donc les gens achètent un savon et il y a un cours d'espéranto à l'intérieur. Justement, des trucs pour arriver à quand même en faire. Alors qu'officiellement, c'est interdit. Parce que là, comme pour les Allemands, l'espéranto aurait une influence néfaste sur le portugais. Il faut attendre 1974 pour que l'espéranto au Portugal ne soit plus une langue dangereuse. Hein, ça fait 50, pas plus de 50 ans. En Espagne, on a Franco. Donc là, notamment les Catalans qui plaident pour leur langue et le peuple en espéranto, combattant de la paix. Il faudra attendre 1951 pour pouvoir reprendre les cours. en Italie, interdit, et on considère qu'il y a une rue Zamenhof à Milan, comme il y en a une à Saint-Raphaël, le jour et demain, pour la fête Zamenhof à Cannes, à Marseille, parce que les Italiens considèrent que c'est une insulte à Rome que d'avoir une rue Zamenhof à Milan. Alors, en Hongrie et en Bulgarie, il y avait des émissions radio interdites, arrêtées. Et hommage au Japon, qui est le seul pays qui n'a jamais persécuté d'espérantistes, qu'il a toujours considéré comme une organisation linguistique. Après, vous dites ce que vous voulez. Et là, puisqu'on reste en Asie, les amis hongrois, à l'époque où il y avait encore le réseau de fer, vont en Corée du Nord. Ils s'aperçoivent évidemment que tout ce qu'ils disent est entendu, repris, etc. Et donc, sans le dire, ils décident de parler espéranto entre eux. Donc pendant 2 jours, ils ont eu une paix royale. Et au bout de 2 jours, les Coréens du Nord avaient compris qu'ils parlaient espéranto et il y avait un traducteur espion pour comprendre ce qu'ils disaient. Alors que c'était pareil, des pays frères puisque des pays socialistes. Alors, le propre de l'espéranto, c'est que c'est une langue neutre. Alors, là, on pourrait disserter, ce serait une autre conférence. Est-ce que neutralité ou silence, c'est la même chose? Est-ce que pour rester neutre, on ferme sa bouche et on s'arrête là, hein? Alors, on considère que l'espéranto, dans la idée interne à ideo, dans cette idée d'humanisme sous-jacente à la langue, est un bastion contre le fascisme. Et dès 1947, l'Association universelle de l'espéranto met dans ses statuts que le respect des droits de l'homme est une des conditions essentielles à son travail. Et d'ailleurs, on a certainement poussé, joué pour défendre les droits de l'homme, notamment l'article 2, droit à la langue. Puisque la langue, ça va plus que le fait de parler. C'est aussi les études, les diplômes, le travail. Donc que chacun puisse utiliser sa langue. Alors, après l'Allemagne, on va passer à l'URSS. Et alors là, c'est pas les camps de concentration, mais c'est le goulag. Donc, l'Association nationale d'espéranto va devoir jongler pour s'adapter. Et aujourd'hui, on a eu le même problème avec l'Ukraine, que l'Association russe d'espéranto a été obligée de dire que bof, c'était effectivement une opération militaire contre certains qui et que, et donc d'autres ont proposé de faire une liste noire de tous les espérantistes russes qui soutenaient la guerre en Ukraine, etc. Moi, je pense, bon, je connais pas mal parmi ceux qui ont dit ça, en fait, c'est pas ce qu'ils pensent, mais c'est une façon de maintenir la porte ouverte à l'espéranto en Russie, hein, pour ne pas se faire liquider du jour au lendemain. Alors au départ, l'espéranto est une bonne langue, car elle permet aux travailleurs du monde entier de communiquer et aux travailleurs soviétiques de répandre les bienfaits du socialisme. Hein, donc on va utiliser l'espérantisme comme porte-voix pour louer la politique des plans quinquennaux, etc. Mais plus tard, l'espéranto devient dangereux parce qu'il permet les relations directes entre les gens et c'est pas facile à contrôler. La grande idée, c'est une cellule qui correspond globalement avec, bon, je sais pas, des travailleurs marseillais. Mais c'est pas ce qui intéresse les gens. Les Français, c'est pas ce qui les intéresse. Donc, ils vont poser des questions très particulières. Si vous êtes malade, en quoi? Est-ce que vous avez des congés de maternité, des congés de médecine du travail, est-ce que, etc., etc. Et ils ne vont pas se contenter de dire « Ah, regardez comme c'est bien, on a construit tant de kilomètres d'autoroute. Hein. » On connaît. Et ça n'a pas tellement changé. En 80 et quelques, j'enseignais au lycée Boussy à Seine. Et donc, tous les élèves avaient fait une fiche. Je m'appelle un tel, j'ai tel âge, j'ai 2 frères, j'aime ci, j'aime ça, j'ai un chat, etc. On attend la réponse et on reçoit une superbe lettre. Chers amis, excusez-nous, une lettre commune, nous avons été très pris par la préparation de la Commune de Paris, la commémoration. Et les élèves français, madame, de quoi ils parlent? Et on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Nous, ils voulaient des relations directes avec un petit russe, échanger la photo, enfin, etc. Et eux étaient encore, on correspond globalement, pas l'individu, mais le groupe. Donc, 1936, fin des émissions en espéranto, à Minsk, à Leningrad, etc. Alors que l'association d'espéranto compte quand même 11 873 membres. Ce sont des chiffres qui font rêver aujourd'hui, parce que, bon, aujourd'hui, les gens ne paient plus leurs cotisations. Et en 1930, ça ne veut pas dire que les gens n'existent pas, mais ils ne sont pas associés, enfin, affiliés à une association. Et en 1930, alors là, on touche au portefeuille, on interdit le transfert d'argent. Donc, si on ne peut plus envoyer ou recevoir, ça veut dire qu'on ne peut plus s'abonner à une revue, on ne peut plus recommander des livres, puisque l'espéranto a toujours travaillé de façon internationale. Et au congrès de ça, justement, à Saint-Pétersbourg, Lunacharsky, qui est donc le ministre d'Éducation, dit « Les espérantistes se sentent les meneurs de formes extrêmement progressistes de la communication humaine. » Donc, le ministre de l'Éducation reconnaît que les espérantistes sont à la pointe de la communication humaine. Mais c'est ce qui dérange, justement, hein. Parce qu'on nous dit, bon, tous les javanais sont des salauds. Ça m'étonne, parce que moi, mon correspondant, il n'est pas comme ça. Hein. Et donc, vous êtes moins perméable à tous ces slogans. Alors, par contre, en 1927, il y a un congrès. Et donc, l'association d'espéranto peut inviter 11 personnes de 9 pays. Mais cerise sur le gâteau, il y a 12 espérantistes dans les autres délégations qui ont été invités par d'autres associations ou autres. Donc l'espéranto est une ouverture. Alors là, je ne peux pas m'empêcher, même si on est en retard, de vous dire la lettre d'un écolier de Kiev. En 1926. Dans les journaux, il n'y avait que les informations stéréotypées sur la vie à l'étranger, dans les revues. On voyait des photographies gris-sombres, de pâles copies de la vie lointaine et étrangère. Et il continue. Par contraste, les lettres personnelles des régions lointaines qui venaient d'arriver, adressées à notre professeur, y tiraient d'une vieille sacoche des timbres bariolés, presque laqués, des enveloppes avec des timbres de l'étranger. On pouvait les tenir dans la main. Elles dégageaient des odeurs inhabituelles. La respiration de Londres, Paris, San Francisco, Tokyo. Mon cœur cessait de battre quand je voyais toutes ces enveloppes. Hein, donc, effectivement, c'est différent. L'approche est tout à fait différente. Donc, les plans quinquennaux et donc l'espérantisme ne prend pas, et arrive 1930 et le début des purges et des répressions. Donc, on gèle les avoirs de l'association nationaliste à Moscou, quand même 15 000 marques allemands. Donc, je pense qu'à l'époque, ça représentait une certaine somme. Et surtout, on ne peut plus communiquer à l'étranger si on ne peut plus envoyer. Ensuite, en Ukraine, puisque c'est d'actualité, la question est pourquoi enseigner l'espéranto plutôt que le russe? Puisque toute la politique de l'URSS, ce sera toutes les langues sont égales, si ce n'est que le russe est plus égal que les autres. Donc tout le monde peut garder sa langue. Et c'est vrai que leurs linguistes ont fait un travail énorme sur les peuples de Sibérie, par exemple, en allant enregistrer les chamans, enfin, les éleveurs de rennes, après en transcrivant la langue, etc. Mais il fallait quand même parler russe. Et d'ailleurs, il y a la fameuse anecdote, on partage un frère. Alors, il y a non, moitié-moitié, même puisqu'il y avait le grand frère. Donc les Russes qui prenaient la part du lion. Donc on ne partage pas un frère, on partage moitié-moitié. Alors que justement, là, ils ont raison, en 31, l'espéranto peut et doit être une étape préparatoire dans l'étude des langues étrangères. Ce qui est toujours, et là vous avez un projet actuel, hein, c'est sur l'espéranto. Axelilo, que l'espéranto facilite l'apprentissage des langues étrangères. C'est une méthode pour les enfants de 10-11 ans, enfin avant l'entrée en 6e, en disant justement, ils commencent par apprendre une langue facile, et après, c'est plus facile pour eux d'apprendre une autre langue étrangère. Donc ça, les Russes le disent déjà. Hein. Mais ça contredit l'idée qu'il faut quand même que tout le monde fasse du russe. Et alors, 1936, c'est ce que je vous disais, silence des soviétiques. Hein. Donc tous les gens n'entendent plus parler de leurs correspondants russes, il n'y a plus d'émissions de radio, etc. Il faudra attendre 1987 dans les archives du KGB pour voir que justement on a arrêté les gens avec le nom Kinkan, etc. Alors, là on se heurte à la position de Lénine face à celle de Staline sur la question de la question nationale. En 26, Mnacharski, le ministre, dit « Les faits parlent pour l'espéranto. Bokaryov, la langue est un outil de communication sociale. Mar, il faut une révolution linguistique. Mais justement, aucun privilège pour une quelconque action, pour une quelconque langue, mais le russe et ce qu'ils appellent le mieshnarodny yazyk, dont la langue d'entre les peuples. » Non, pas Mieshdunarodny international, mais Mieshnarodny entre les peuples. Donc, politique sévère contre les ethnies non russes, tout en aidant les cultures nationales à prospérer. Hein. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire encore? Oui, pour les Russes, en URSS, l'espéranto est la langue des petits bourgeois, Michani et cosmopolite. Donc, l'anarchisme, on a Kropotkin, Élisée Reclus, et un lanti parmi l'espérantiste, donc lanti-tout, un contre tout, mais pour qui l'espéranto est un moyen d'atteindre un but. Hein, pourquoi pas, comme pour d'autres. Hein. Et pour le mouvement ouvrier mondial, rôle essentiel de l'URSS, où le prolétariat a pris le pouvoir. Congrès du Comintern, les correspondants ouvriers développent leur sphère d'activité vers l'étranger. Et là, toujours, utiliser l'espéranto pour les buts du soviétisme. Et là, ça ne marche pas. 1925, texte et émission de timbre avec texte en espéranto. Pour ceux qui sont arrivés plus tard, les ballons de la FIFA ont un texte en espéranto. Oui. Il coûte quand même 150 euros, mais si vous pouvez vous le payer, je vous ferai ça. Et le journaliste dit, si dans chaque pays les partis communistes pouvaient s'occuper de cette question dans l'enseignement d'espéranto, cela faciliterait énormément la possibilité pour notre ouvrier qui ne connaît pas de langue étrangère de communiquer avec ses frères de labeur et de lutte dans d'autres pays. Alors là aussi, ce n'est pas du goût de tout le monde que des gens puissent se battre ensemble comme pour des idées contre quelqu'un. Donc il y aura pendant la Deuxième Guerre mondiale des cours d'espéranto dans les camps de concentration. On a notamment des Français qui vont faire des cours en disant « bon, il y a des gens de différents pays ». Il faut une activité, pourquoi pas enseigner l'espéranto. Comme ça, les gens pourront parler. Donc, l'espéranto disparaît complètement en 37-38. Donc là, ça, je vous en ai déjà touché un mot. Il faut imposer le russe. Et on le fait notamment avec l'alphabet cyrillique. Donc, les pays qui étaient très forts, comme l'Arménie ou la Géorgie, ont gardé leur alphabet. Les pays baltes qui ont été annexés en 40 ont gardé leur alphabet et tous les autres qui n'avaient pas une langue écrite se sont vus imposer l'alphabet cyrillique. Si ce n'est qu'aujourd'hui, on ne veut plus de l'URSS, on ne veut plus des Russes, donc on revient à un alphabet autre, et notamment l'Azerbaïdjan, c'est la Turquie qui finance à tour de bras les livres les manuels, etc., écrit donc avec l'alphabet latin et des lettres un peu comme en turc pour rendre différents sons. Et à mesure, au fur et à mesure, les anciennes républiques, notamment l'Asie centrale, bon, l'Ouzbékistan, qui avait pris l'alphabet cyrillique, revient à bon, l'alphabet latin avec des variantes. Donc, c'est une façon aussi de prendre ces choses. Alors, fin de la Deuxième Guerre mondiale, bon, retour des camps, et là on constate que quand même les espérantistes, il y a eu pas mal de partisans, hein, de comment on appelle ça en français ? Des résistants, merci, qui ont donné leur vie pour lutter contre le fascisme. Donc parmi les personnalités, certains les connaissent, c'est Tito, hein, en Yougoslavie, Jonas, président d'Autriche, hein, qui travaille en sous-main dans les démocraties populaires. Parce que justement, eux, ils ont fait d'espéranto quand ils étaient jeunes, genre ambiance auberge jeunesse. Et une fois au pouvoir, bon, ils savent l'importance et l'intérêt de l'espéranto. Alors qu'on leur demande d'enseigner le russe, hein, plutôt, hein, puisque la démocratie populaire, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le soft power. Hein. Bon, tout ce qui est états-unien et qui nous vient à travers l'anglais, hein, c'est le pouvoir insidieux de la langue. On accepte bon, le mot, et en même temps, on accepte l'idée, bon, quand on parle d'espace de coworking, je ne sais pas comment on appelle ça en français, hein, travailler ensemble, c'est, on ne peut pas dire collaborer, travailler sur un même lieu, hein, bon, on n'a fait pas ça, chacun était dans son bureau, dans son... Alors, donc on accepte le concept en même temps que le mot. Hein. Donc on aura, je vous ai dit, Staline contre Marx, en 1953, donc presque à la mort de Staline. Pour Marx, la langue est toujours un langage de classe. Il n'existe pas de langue nationale unifiant les diverses classes de la société. Alors que pour Staline, le langage de tout le peuple n'a qu'une influence minime sur les différentes choses. Donc ils vont s'affronter, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Et pour Staline, à chaque époque de l'histoire, est liée une langue mondiale. Donc on parle le latin, Moyen-Âge, le français au 19e pour la diplomatie, hein. Aujourd'hui, bon, on a l'anglais, c'est un états-unien, et donc lui voit le russe comme langue des démocraties populaires. Donc je ne sais pas si vous avez rencontré des Hongrois, des Tchèques, des Bulgares, ils ne se faisaient pas un grand plaisir de parler russe. Jamais. Et même ceux qui avaient des langues très proches, comme le bulgare, c'est une langue dérivée du vieux slave, qui est encore plus près du vieux slave que le russe. Hein? Mais même ça, ça ne marchait pas vraiment. Bon, mort de Staline, donc là, du temps passé, faisons table rase, hein, on va complètement démonter la théorie de Staline. Et en 1954, quand il y a une résolution à l'UNESCO pour proposer l'espéranto à la conférence générale qui note les résultats obtenus au moyen de l'espéranto dans les échanges intellectuels pour l'approchement des peuples, c'est constate que les résultats correspondent aux buts idéaux de l'UNESCO, etc. Et l'URSS ne s'oppose pas. Hein, ils auraient pu mettre leur veto, l'URSS laisse passer. Ils ne votent pas pour, mais ils ne s'opposent pas. Et dans les démocraties populaires, on en revient toujours aux peurs du contrôle des individus. Hein. Comment contrôler les individus? On peut contrôler un groupe, mais après, ce que vous faites dès que vous avez passé la porte, c'est plus dur à chercher. Hein. Dans l'encadrement des congressistes, alors là aussi, pendant des années, les délégations russes au Congrès universel ont été accompagnés d'un représentant du KGB. Tout le monde le savait, d'ailleurs. Quel que soit le nom, on l'appelait Betulo. Betulo, c'est le boulot. Donc, dans les deux heures qui suivaient le groupe, qui devait voyager ensemble, les Français, ils partent chacun, les uns en stop, les autres en vélo, les autres par jet privé, parce que ce n'est pas le milieu, mais chacun pour soi, la délégation russe était un tout. Et donc, dans les 2 heures qui suivaient, ils savaient qui était le espérantiste, mais représentant du KGB. Donc, le mouvement de la paix, même, a été encadré par, justement, l'URSS, les communistes, ce qui a fait beaucoup de tort, alors que, bon, Esperanto, ça se passe pas, donc. Parce que, justement, les gens l'ont vu accroché à la Russie. Mais pour la Russie, l'espéranto était une contre-arme contre l'impérialisme linguistique des anglo-saxons et des français. Alors, ils avaient compris avant nous. Hein. Et ça n'a pas servi de... ça n'a pas servi d'exemple. J'ai bientôt fini. Alors, les Chinois n'ont pas, à ma connaissance, discriminé les espérantistes. Au contraire, sous Mao, hein, ils utilisent largement l'espéranto pour des activités dont à l'époque anti-soviétique, et maintenant pour le commerce. En Pologne, Gromulka, le dirigeant du parti, la démocratie et le développement de l'espéranto sont inséparables. En Tchéquie, éviter de traiter du statut de l'espéranto, mais on surveille quand même les espérantistes. Et surtout l'espéranto, les concurrents du russe, hein, en RDA, il faut taire sa connaissance de l'espéranto, ça nuit à notre ordre démocratique, on se demande bien pourquoi. Hein. En Tchéquie, licenciement des profs qui ont renoncé à enseigner le russe pour enseigner l'espéranto. Bon, là, on peut le comprendre quand même. Hein. Mais bon, licencier, pourquoi pas, hein. Et l'espéranto se nourrissait des aliments du nationalisme bourgeois, pour nous, une dangereuse création laxiste. Donc, vous voyez que, quelles que soient les époques, même maintenant, dernier exemple de novembre 2000, pour lequel je suis au courant, donc l'espéranto est en fait un mouvement alternatif, une position... personnel vis-à-vis du monde, des hommes, pour les gens qui aiment les contacts, qui aiment justement les contacts informels, directs, avec, j'allais dire, n'importe qui. Et moi, j'ai rencontré aussi bien des ambassadeurs espérantistes que bergers des Andes, des bouchers, balayeurs bulgares, une fois, il avait l'étoile verte, hein, commence à parler à qui vous êtes, après, voilà. Hein, et ça, bon. Si on veut discuter de politique, on peut s'étriper. Ce que justement les Allemands de l'Est ne comprenaient pas. Qu'on puisse en réunion discuter de problèmes de, justement, de démocratie, de, etc. Et se retrouver après autour d'une bière. Parce que pour eux, si on était dans une optique, on y restait. Pas habitué à ces échanges personnels, informels, où chacun dit son opinion. Et je me souviens d'un Roumain. Il commençait toutes ces phrases « En tant que délégué de, je peux dire que… » Et pas une fois, il commençait à dire sa propre opinion. Et le pauvre, il avait été élevé comme ça, on ne pouvait pas lui en vouloir. Mais c'était quand même intéressant de discuter avec lui. Donc, dès le départ, l'espéranto est confronté à un tas de difficultés et doit s'imposer face à l'adversité. Et en fait, sur ce plan-là, on n'a pratiquement pas progressé. Même si toutes les études du monde ont prouvé que l'espéranto s'apprenait de 5 à 10 fois plus vite qu'une autre langue, que ça faisait gagner des milliards aux gens et aux États, et le dernier rapport demandé par Sarkozy, qui trouvait que les Français parlaient mal les langues étrangères, en fait, les Français prononcent mal l'anglais, ce qui n'est pas pareil, donc demande un rapport à un économiste de la linguistique. Dont le professeur Grain de Lausanne, ça fait mieux un étranger, c'est mieux qu'un français. Et M. Grain, dans un rapport de 150 pages, conclut que pour enseigner les langues étrangères, il faut commencer par enseigner l'espéranto. Mais évidemment, ce n'est pas ce que nos énarques attendaient, dont le rapport est parti aux oubliettes, mais il est accessible, c'est un rapport officiel dans la documentation française. Et là, M. Grain dit que justement, l'espéranto, le tout à l'anglais tel qu'on le pratique aujourd'hui, revient à donner un impôt de 10 milliards par an à l'Angleterre. Est-ce qu'on vous a demandé si vous étiez d'accord? Non. Mais c'est comme ça. Voilà. Donc, la neutralité n'est pas vraiment acceptée, alors que justement, on peut être espérantiste, avoir toutes les idées de la création, hein, bon, justement, anarchiste ou chrétien. Une année, quand on était encore dans l'ancien local, il y avait le drapeau, ni Dieu ni maître. Oui, qui est à l'entrée. Hein, voilà, ni Dieu ni maître. Et en cours, il y avait justement un prêtre, dessinateur industriel, un prof de fac, une du CNRS, une secrétaire médicale, fait vraiment très varié. Et quelqu'un pose la question, qu'est-ce que c'est qu'être espérantiste aujourd'hui? Je dis, c'est vous. Justement, des gens très variés et avec une formation, une profession tout à fait différente et qui trouvaient dans l'espéranto ben justement ce lien avec n'importe qui ou avec tout le monde. Je vous remercie, s'il y a des questions. Donc, vous la parole. J'ai une question. Si une association de subvention, oui. Elle peut. Oui. C'est interdit par l'État. Ah non. C'est au coup par coup. C'est en progrès. Oui. Oui, la seule, en France, la seule législation, c'est qu'il faut que les membres du CA soient de nationalité française. Sinon, demander une subvention, il y en a plein qui en ont. Qui demandent, mais souvent, il faut. C'est comme à l'époque soviétique, où ils disaient les lettres au laser, et selon les mots, la lettre ne passait pas à censurer. Donc, il faut, dans les demandes de subvention, mettre les mots-clés qui font plaisir à nos éditeurs. Mais c'est possible. C'est pas interdit. Non. Comme c'est interdit de l'enseigner à... Ah oui. Et oui, parce que justement, nous avons une grande langue, le français est une grande langue. Bon, là, on a reparlé justement des commissions nationales à l'UNESCO, la commission française, nous sommes des diplomates. Alors que dans d'autres pays, justement, c'est non pas le ministère des Affaires étrangères qui s'occupe de la commission nationale à l'UNESCO, mais le ministère de la Recherche, et donc ils ont une toute autre approche. Est-ce que c'est toujours enseigné à l'université? Est-ce que quand j'étais étudiant à Aix, il y avait des cours? Non, justement, à Aix, il y avait du Goninas, qui était prof d'espéranto, il était prof de russe, maître de conférence de russe, et le cours d'espéranto, c'est moi qui l'avais ouvert après 68. Moi, j'étais à la fac en 75, et on pouvait prendre ça comme UV. Oui, et donc, avec un prof, on l'a eu comme UV. On l'a eu aussi à Paris 8, justement, en compagniste, commencer son cours de linguistique par un cours d'espéranto. En fait, maintenant, c'est la politique du président de l'université qui choisit, comme il n'a pas beaucoup de sous, il choisit ce qu'il va bien pouvoir enseigner. Donc, il n'y a plus d'université qui fait l'espéranto actuellement? En France, non. Mais on a eu, si, à l'ENS, l'École nationale supérieure. Mais donc c'est possible? Oui, c'est possible. Bon, il y a une chaire la plus près, la chaire d'espéranto la plus près, c'est à Amsterdam. D'accord. Il y en a une à Poznan. Ça dépend il y en a en Chine, ça dépend justement des conditions locales. Hein. Mais c'est vrai qu'à Aix, on a formé, avec des... C'était une UV pour la licence. Et donc là, on a eu des élèves. Mais comme Dupuy est parti, il n'y en avait plus. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Je voudrais savoir comment elle évolue, cette langue. Au niveau linguistique? Mais oui, parce que si elle est artificielle, alors... Non, artificielle, créée avec art. C'est l'étymologie. Hein. Non, en fait, donc on a parlé du premier congrès de 1905. Ça fait 20 ans que la langue est utilisée. Déjà écrit Vazamenov, est-ce que je peux dire ça, est-ce que je ne peux pas dire ça? Donc là, on décide le fundamento, je ne vais pas porter parce qu'il est très lourd, parce qu'il est en 5 langues, 6 langues. Donc, il y a 3 pages de grammaire, toutes les règles sont là et tout est dit. Mais au niveau du vocabulaire, évidemment, bon, par exemple l'informatique, à l'époque de Vazamenov, ça n'existait pas. Et c'est en fait presque le miracle de la langue, qui fait que rien n'empêche que ça s'actualise. On le cite toujours comme Tilo, l'ordinateur. Pendant peut-être un an, on dit computer, computer, computing, enfin tous les gens proposent. Et là, on a une académie qui est composée, voilà, qui est composée de gens de langues différentes. Hein. Il y a des Anglais, des Russes, des Indiens, des Quechua, enfin, des gens qui vont très haut niveau et qui vont dire, finalement, justement pour l'ordinateur, on va prendre la racine de computi et avec le suffixe ilo de l'outil. Avant, c'était scribi, mi scribi, asper scribilo, mi flug, asper flugilo. On va dire mi computa, asper computilo. Donc, on peut tout traduire. Oui, oui, oui. Justement, c'est... Enfin, moi, il y a une phrase, je vais en parler la semaine dernière. Hein. On a fait mardi un texte, c'est un jeune Albanais de 16 ans qui a traduit un texte, sur les, un livre d'enfant sur les Vikings. Et alors, évidemment, 16 ans, il y a eu la presse, etc. Et on peut pratiquement tout traduire. Moi, il y a une phrase que je n'ai toujours pas pu traduire, ni en russe, ni en espéranto, c'est « Elle lui mijotait de bons petits plats ». Mais non, parce que justement, ma collègue avait dit « Elle faisait bien la cuisine ». Mais en fait, c'est tout le contexte du 19e siècle, la femme au service de son petit mari, qui passe des heures en cuisine, etc. Donc ça, c'est difficile de traduire en mettant tout le contexte culturel. Mais dans l'ensemble, ça ne pose aucun problème. Moi, j'ai traduit des trucs comme ça, ça, c'est pas un problème. Du français. Vous avez parlé d'Iphigénie, là. Oui, oui, oui. Ouais. Oui. Ouais, ça, dès le départ, Zamenhof lui-même traduit. Il traduit Shakespeare, il traduit Goethe, il traduit la Bible, il traduit Gogol, enfin, etc. Juste pour montrer que c'est une langue qui se prête à tout. Et même maintenant, on en est à une deuxième traduction, par exemple du droit à lire, qui était la meilleure traduction, tous les anglophones s'accordaient à dire, c'était la meilleure traduction qu'ils aient pu lire, parce que justement, là, les autres langues aussi évoluent, donc la traduction peut aussi changer. Non, sinon, c'est bon. Justement, c'est même miraculeux que tout était déjà dans les 6 pages de la... Justement, l'informatique, bon... Reto, hein, donc la toile. Ouais. Donc, retumi, avec le suffixe ou, c'est surfer sur Internet. Ret message, c'est un courriel, enfin, etc. Hein. Retano, c'est quelqu'un qui fait. Oui, à vous. Oui, alors, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, mais bon, je connais fort peu de choses en espéranto, sauf quelques mots que j'avais appris donc avec cet ami d'enfance qui avait présenté l'une des premières listes espérantistes aux élections européennes. Et puis, il y a eu des traductions, par exemple, des chansons Brassens ont été traduites en espéranto. Ah, d'accord. Oui. Il y a tout un livre. Il y a tout Jacques un livre, Ivar. Oui. C'est très, très joli, d'ailleurs. Mais quand on entend ça, ça reste quand même une langue très européenne. Non. Mais, ah bon, parce que moi, je me dis toujours, quand même, les racines. Voilà, les racines. On comprend. Nous, surtout moi qui ai étudié justement pas mal de langues européennes, j'ai pas de difficultés. Mais je me dis, un Chinois ou un Congolais... Non, alors justement, vous avez dit, les racines sont indo-européennes. Bon, il y a bien quelques racines japonaises ou autres, mais enfin, bon, les racines sont indo-européennes. Donc pour nous, effectivement, c'est relativement facile. Mais, bon, il y a des études, il y a même des livres qui sont parus. Espéranto était une langue européenne ou asiatique. Et justement, elle a de l'asiatique le fait que c'est une langue isolante. Le chinois dit moi vouloir bière frais. On ne conjugue pas, on ne décline pas, etc. Et les racines restent comme ça. Et le seul exemple que je connais, je donne toujours, excusez-moi, en chinois, vous faites une espèce de sapin, c'est un arbre, vous en faites 3, c'est une forêt. Hein, comme idéogramme. En espéranto, vous dites arbo, l'arbre, et arbaro, la forêt, avec arbre, et le suffixe aro, un groupe de. Donc ce qui est facile pour nous, c'est arbo, ce qui est facile pour un chinois, c'est arbaro. Et là, bien que vous parliez des Chinois, il y a eu, ben, juste avant le Covid, un cours de 3 semaines sur une île avec des Chinois qui faisaient 9 heures d'espéranto par jour. Avec des profs anglais, états-uniens, etc. Et à la fin des 3 semaines, les profs français ou états-uniens trouvaient que quand même, 3 semaines à 9 heures par jour, les Chinois n'étaient pas très performants. Les profs chinois, mais vous ne vous rendez pas compte, ils arrivent à parler, ils arrivent à se présenter, ils peuvent comprendre, ils peuvent dire des choses dans aucune autre langue, ils n'arrivent à ça. Donc, c'est plus lent pour eux, mais ils y arrivent quand même. Bon, Bahin, le prix Nobel de littérature, était espérantiste. Qui ça? Bahin. Il n'a jamais eu le prix Nobel. Non, non, mais pas Nobel, enfin. Il était digne. À l'époque, on ne donnait pas à des gens comme ça. Oui, oui, il était espérantiste, il avait, oui. Il avait diffusé des textes oui. anarchistes en espéranto. Oui, oui. C'est en français, on dit Pakin. Bajin, c'est le nom chinois. Mais alors, souvent, c'est pourquoi on les trouve sous le nom de Pakin. Oui, j'ai une question pour lui qui est pour moi un problème, et peut-être que ce n'est pas la mémoire de le poser ici, mais quand même. Je vais un peu monopoliser la parole pour exposer ce problème. Mon père en a parlé beaucoup mieux que moi. Il est originaire d'un village espagnol où on prétend que, quand on fait le rapport à la population, c'est l'endroit du monde où il y a le plus d'espérantistes. Et il s'agit de Cheste, dans la province de Valencia. Et lorsqu'il a pu y retourner au moment du décès de Franco, puisqu'il était réfugié politique espagnol, il y avait quelques 200 espérantistes pour une population qui était de l'ordre de 6000 habitants. Et là où je m'interroge, c'est après ce que vous avez dit à propos des dictatures, et même si vous avez à peine évoqué l'Espagne, comment se fait-il que cette plantation dont je connais les origines, avant même la naissance de mon père, ait pu perdurer comme cela. Alors, je peux vous exposer un peu comment on est arrivé, de quelle proportion des espérantistes dans ce village. Ça tient à un gars qui s'appelait Francisco Magnès, de son nom, surnommé dans le village où, à cause des confusions qu'il pouvait y avoir, comme dans beaucoup de sociétés paysannes, on utilisait plus les surnoms que les noms de famille, surnommé Tío Sargantana. Et ce gars a commencé à faire de l'espéranto dès le début du siècle, en 1908, d'après ce que je sais, et surtout au moment de la Seconde République en Espagne, après la dictature de Primo de Rivera, il a énormément milité pour répandre la langue en question, ce qui lui a valu d'ailleurs de devoir s'exiler à Paris, et à Paris il a rencontré encore des gars évidemment de ces milieux impérantistes, et il est retourné là-bas. Je sais qu'il a été arrêté après la victoire des franquistes, libéré assez vite et qu'il a pu reprendre cette. Ses cours. Ses cours et cette propagande là. Mais moi, mon père n'est plus là pour que je lui pose des questions. La seule chose qu'il mérite, c'est que quand il est retourné là-bas en 1974, donc au moment où Franco était déjà dans le cirage, on va dire. Il était allé voir ce gars qui était encore vivant, le Tío Sargantana. Ils avaient échangé toute une après-midi. Et à l'issue de ça, le monsieur en question, qui était déjà particulièrement âgé, l'avait accompagné à la porte et il avait dit « Ah, je t'aime beaucoup, mais je t'en prie, ne viens plus me voir. » Ce qui prouve qu'une partie de ses ennuis était lié à son militantisme. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui encore, il y a une association d'espérantistes dans le village en question, et même s'il n'y a pas un renouvellement des générations très, très marqué, ça a valu d'ailleurs, je crois, l'organisation de deux congrès internationaux. Donc, eux, je crois que ça s'est mal fait à Chess-Pemar. L'autre à Valencia, celui de Chess, c'était les années 1920. 1968 à Madrid et à Valence. Et à Valence en 93, où les délégués sont montés au village, justement, à cause de cette association très active. Il y a déjà depuis quelques décennies, dès qu'il y a eu la démocratie, une rue Zamenhof au village. Oui, oui. Voilà, donc, pour moi, il y a une espèce de contradiction entre la persécution dont ils étaient victimes et le maintien, malgré les 40 ans de dictature fasciste. Oui, mais c'est aussi le cas du catalan. C'est oui, mais ça s'est maintenu. Même si, évidemment, la proportion est différente, mais je veux dire que même sous une dictature, il y a un usage privé des langues qui permet de les faire perdurer. Quoi. Heureusement, c'est comme ça, d'ailleurs, que ça se transmet. Dans parce que même c'est une forme de résistance, oui, hein, de maintenir le basque, le galicien, le... Bon, je suis désolé, peut-être j'ai trompé avec l'heure, après j'ai parlé de ça. Mais je sais que le livre était édité originalement bien dans les années 80, je crois, et avec une nouvelle édition qui est sortie, bah, évidemment, les archives de, bah, on va dire, la République d'origine, l'Allemagne et aussi l'Union soviétique, bah, les archives sont ouvertes. Mais c'est quoi les différences est-ce que vous devez travailler sur l'édition originale sur non, mais justement, ou... donc ça, c'était le début. Hein, enfin, les premières éditions, déjà, il y en a eu deux. Puis, il y a celui-là qui est paru, enfin, en espéranto, c'est le même dessin, etc. Et justement, j'ai dit qu'en 87 seulement, on a eu confirmation des espérantistes russes qui avaient été envoyés au Goulag, alors que les espérantistes du coin le savaient, puisque les gens disparaissaient, comme disparaissaient leurs voisins ou autres, comme on est arrêté pendant la nuit ou autre. Mais justement, Ulrich Lins, l'auteur qui est allemand, très rigoureux hein, dans ses recherches, a refait pratiquement un deuxième livre quand il a eu accès aux archives du KGB, de la Stasi, etc. Et effectivement, le livre que vous avez traduit, c'est la dernière. C'est la dernière version. Oui, mais c'est le dernier. Oui, ouais. Oui. C'est là, je sais pas lequel, 2015. Vas-y, Sophie. Et quel est le pays qui détient le record? Alors, ça varie selon les époques. Ça varie selon les époques. Non, je ne sais pas, je dirais un pays d'Afrique. Parce qu'en Afrique, ce qui est remarquable, c'est qu'il y a le gars, c'est que des jeunes, bien sûr, qui vient suivre un cours, il rentre, il refait le même cours au village, à la famille, aux collègues. Enfin, et c'est vraiment comme ça que ça se répand. Et les pauvres, on ne les voit jamais, puisqu'ils n'ont jamais leur visa pour aller quelque part. Même si on paie le voyage, le billet, le séjour, forte des lettres partout, ça ne suffit pas. Et là, si le bureaucrate qui est au consulat français quelque part, on a voulu dire n'importe quoi. J'ai eu le cas une fois pour un Pakistanais, donc j'avais l'aval du ministère des Affaires étrangères. Et ben, le gars au Pakistan. L'employé du consulat de France n'a rien voulu entendre. Lui, il a appliqué la règle. Moi, j'ai plusieurs choses à demander, mais je ne sais pas si tu as beaucoup de temps. Jusqu'à 10. Bon, donc, je voulais savoir comment ça marche aujourd'hui. C'est que par réseau, c'est des carnets d'adresses, et parce que tu ne vas pas dans la rue. Enfin, à part le gars t'a trouvé avec une étoile verte, mais ça, c'est rarissime, j'imagine. Enfin, donc c'est des réseaux professionnels ou d'idées politiques ou de... Oui, justement, enfin, j'aurais dû les porter, je n'y ai pas pensé. Donc il y a le Yard Libre, donc l'annuaire, bon, maintenant de plus en plus il est sur Internet, actualisé, donc je dois aller à tel endroit, je vais voir s'il y a quelqu'un, j'écris ou je demande, etc. Même chose, chambre gratuite chez l'habitant, le passeport à Servo, c'est remarquable. Parce que non seulement vous ne payez pas l'hôtel, mais ça c'est accessoire, mais vous êtes chez les gens, vous voisez. Et puis vous voyez comment ils vivent. Moi je me souviens une année au Brésil, j'ai pratiquement, sur 7 semaines, j'ai passé 7 semaines, 7 nuits à l'hôtel. Et donc c'était l'ingénieur qui avait installé l'usine de Coca-Cola, c'était un musicien de jazz, c'était un paysan qui n'avait même pas d'électricité, un prêtre qui alphabétisait les Indiens du Mato Grosso, un jeune couple, j'étais journaliste, et donc c'était que des gens qui avaient un vécu différent, des intérêts différents, et on pouvait parler de choses différentes. Et justement parler, je me souviens notamment avec la jeune femme de contrôle des naissances, qui est un sujet tabou dont il ne parle pas. Et c'est vrai qu'il y a un avantage, on n'y pense même plus, moi j'en fais depuis 59, mon premier congrès mondial 1960, donc j'ai vu de l'eau passer sous les ponts, les espérantistes aussi, donc je n'y fais plus attention. Mais c'est vrai que on partage déjà une même idée. Le gars m'a fait une fois, je reçois un Polonais, et il y avait un faux contact dans le lampadaire. Il me demande le tournevis, pendant que je fais le repas, il me répare le lampadaire. Je dis, c'est... Les gens ne sont pas invités, ils sont comme ils seraient chez eux. Et ça, c'est intéressant de parler de tout, enfin des sujets. Et les années quand je voyage et que je ne peux pas avoir de contact avec les espérantistes parce que bon, c'est difficile, etc. Je suis frustrée parce qu'il y a des trucs qui disent, bon, montrez-moi votre facture d'électricité, combien vous payez, combien coûte le kilowattheure, enfin, etc. Alors qu'ailleurs, bon, les guides ne le disent pas, les ministères ne le disent pas, donc c'est un autre truc. Cette langue universelle a-t-elle eu un rapport avec le mouvement des citoyennes du monde ? Oui, oui. Il y a même maintenant, il y avait d'ailleurs un stand, actuellement c'est repris par une Coréenne qui est en France, qui est très active au niveau politique, doit connaître tous les ministres, etc. Et justement au Congrès mondial à Montréal cet été, ils ont été très très actifs. Le monde civitano, et il y a toujours eu au niveau des Français, enfin aux Français, c'est d'abord des Français, et c'est encore des gens en France. Justement, il y a plein de mouvements, amis, parallèles, alternatifs, avec qui justement on a de bonnes relations, des gens qui justement ont une autre approche de la conception du monde, même mondialisée. Tout à fait. Justement, ce que disait le mouvement freiné, les enseignants qui sont marginaux, mais qui justement s'intéressent à l'espéranto. Citoyens du monde, le mouvement pour la paix, les anarchistes. Oui, oui, ça y a. Est-ce que tu as compris la Poutine vient de mettre sur liste noire des centaines d'associations en Russie? Oui. Est-ce que les espérantistes sont dedans? Sur le transfert d'argent, tout ça. Justement, j'ai dit que bon, il y a une liste noire des espérantistes russes qui n'ont pas condamné la guerre en Ukraine. Et bon, moi j'en connais certains, bon, certains ça ne m'étonne pas d'eux, mais d'autres, c'est que justement, pour essayer de maintenir l'association, pour que l'association ne soit pas considérée comme ennemi du pays, ennemi du peuple, et soit liée, ils ont été obligés de faire un peu comme a fait l'association d'Allemagne sous Hitler, de dire... On essaie de louvoyer en condamnant ce condamné. Voilà. Oui. Oui, mais justement, ils ont été compromis par certains, alors qu'on a vu, il y a la moitié des. Il y a quasiment des gens qui sortent du mouvement, justement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique que l'association est obligée d'adopter. Il y a des transferts d'argent avec des associations espérantistes russes qui continuent. Je ne sais pas. Parce qu'en fait, c'est ça. On l'a vu. C'est comme ça que, justement, dès 1930, on bloque les 15 000 marques de Satan Moscou et dont les gens ne peuvent plus s'abonner, ils ne peuvent plus acheter de livres, enfin, etc. Voilà, oui, il y a tout qui... Je ne sais pas. Alors, je voulais dire un truc aussi. Tu as dit que ça facilitait l'espéranto, facilitait l'apprentissage d'autres langues. Bon, moi, j'ai fait une vingtaine, une trentaine de cours, je ne me souviens plus. Et ce qui c'est vraiment intéressant, c'est que ça fait réviser la grammaire française aussi. Et des choses qu'on emploie et qu'on avait oubliées, parce que tout est construit. Alors, de traduire notre français, de mettre l'équivalent d'espéranto, c'est vachement intéressant. Et après, je voulais te demander, tu as déjà été à Bialystok? Et parce que nous, on y est passé et on cherchait les traces de Zamenhof. Alors, on a trouvé une ruelle Zamenhof et on a trouvé un resto Zamenhof et c'est tout ce qu'on a vu. Ouais. Par contre, il y avait une statue de Pildouski qui était le dictateur de l'entre-deux-guerres. Il y a une statue de Zamenhof. Il y en a une statue quand même. Mais ce qu'il y a, tout a été détruit aussi. Et ça date de quelle année, la statue de... Bon, je ne sais pas, elle y était quand est-ce qu'il y a eu le congrès On l'a peut-être raté, c'est pas dans un parc un peu caché quand même, c'est pas en plein 89 centre. 89 hein. Peut-être. Non, ça fait combien 89 ? Oui, on aurait. On n'avait pas les indications, on a parcouru la ville pour essayer de. Non, mais c'est pas 89. Mais il y a plus, tous les juifs ont été exterminés dans cette ville. C'est plus récent que ça, oui. 5-6 ans. Non, moi c'est un peu plus. Il y a un petit musée, ça m'énerve. D'accord. Assez ridicule. Voilà, c'est vraiment. Ça nous a semblé ridicule l'hommage rendu à ce bonhomme. Il y avait à peu près 80% de la population des juifs, et il n'y a aucune trace dans la ville de Bialystok. Exact. Il n'y a pas une sidère, il n'y a pas une plaque. C'est la preuve. C'était affreux, nous aussi. Quand on a parcouru ces régions, on avait les fantômes des gens disparus. Et quand on en parle avec. Moi, j'étais invité sur une exposition. D'accord. J'ai pu rencontrer mais quand j'en parlais, c'était une expo sur les langues. En plus. Et précisément à partir de Zamenhof. Mais les Polonais ne comprenaient absolument pas mes questions. Sur les Juifs ou sur les Juifs, c'est-à-dire sur l'idée que peut-être un musée juif. Il reste des ghettos. Parce qu'il faudrait faire un musée juif. Parce que tu l'as bien dit, c'était une ville où il y avait 5 ou 6 langues, le russe. Le yiddish, le lituanien, le polonais. C'est simplifié. C'est assez simple de résumer. Bon, ils se comprennent pas leur langue, ils se tapent dessus. Donc, trouvons la langue pour qu'ils se comprennent. Oui. Bon, je trouve ça très joli. Et quand je parle de l'espéranto à des gens qui ne connaissent pas, je raconte ça. Quoi. Oui, oui. Mais il y avait encore le rideau de. Avant la chute du mur de Berlin, il y avait un très grand projet à Bialystok. Et on était 6 du monde international, espérantiste, à être allé à Bialystok, parce que justement, ils voulaient donner des locaux, faire des trucs, etc. Et on avait trouvé des dizaines d'idées pour justement lier la vie de Bialystok et celle de Zamenhof, sans faire que de l'espéranto, notamment, je pense, un musée sur les deux lunettes, puisqu'il était oculiste. Je veux dire, on avait trouvé, mais c'était du brainstorming avant, remue-ménage avant l'époque, et justement, pendant 3 jours, on avait. Et puis après, le mur est tombé, et donc les Polonais sont devenus plus capitalistes que n'importe qui, et donc on n'avait plus droit à ça. Mais on avait bien travaillé. Je pense toujours, on y était allé de Thionville, de Luxembourg, à Bialystok, dans la nuit, à se relayer au volant et retour, pareil. Et donc, il y avait une Allemande, une Hollandaise, un Anglais et moi, dans une voiture immatriculée luxembourgeoise, elle, puisque Brian travaillait à la commission. Le douanier est-allemand qui disait nos passeports, mais alors il n'y a que la voiture qui est luxembourgeoise. Et ça dépassait sa conception qu'on puisse être 4 dans une voiture de 4 pays différents, parler, discuter, etc. Mais l'année précise, peut-être 80, non. J'ai une question, moi, parce que ce qui est. Merci en tout cas, c'était très intéressant. Malgré tout, on sent que la répression vraiment forte s'est concentrée quand même dans les années 20 et 30. Oui, enfin, oui. Est-ce que, sans doute, c'est aussi lié à un moment où l'espéranto a un futur. Bien, oui, c'est bien. Ça. Et donc, parce que je l'ai lu plusieurs fois, c'est-à-dire que la décision à la Société des Nations de ne pas adopter l'espéranto a quand même marqué un frein très grand. Quoi, en fait. Ça s'est joué. Oui. S'il y a un veto français, effectivement. On peut... Mais bon, au niveau de l'Union européenne, ça s'est joué aussi à une voix. Et c'est Emma Bounine qui a laissé sa place. Elle a perdu sa place parce qu'elle descendait l'espéranto et ça n'a pas été accepté à une voix près. Hein. Non, non, il y a des gens, justement, me dit Noël Bréham, Dieu, le sexe et l'espéranto. C'est parti des sujets tabous, on n'en parle pas parce que ça marcherait trop bien. Et c'est ça, justement. C'est à l'encontre de, des politiques élitistes, on garde le gâteau pour nous parce que nous, on peut. On ne tient pas ce que les Dom Pécus discutent, circulent, échangent, etc. Ça, ça gêne. Et ça, on n'a pas évolué. Hein. C'est dommage, mais c'est... Alors, par contre, j'ai une élève suédoise qui disait « On est à peu près dans la situation où était la Suède avant qu'elle entre dans le marché commun. » Où c'était de très mauvais... C'était très mal vu d'être pro-européen. Et en l'espace de 6 mois, tout le monde est devenu pro-européen. Elle dit, c'est une spirale, il faut commencer. Et en fait, l'espéranto, c'est ça qui manque. Il faudrait qu'un jour, alors peut-être que le ballon de la FIFA va faire son essai, va faire son essai. Il y a la bande de Lilian Thuram aussi, en plus un super-héros qu'on a traduit en espéranto. Bon, lui, contre le communautarisme, organise un match de foot. On a des noms, il a fait une langue. Mais bon. Non, non, c'est plein. Et bon, on a eu aussi, enfin, moi je peux pas, ça fait 50 ans que j'en sais, l'anecdote, c'est pas ce qui manque. Abi, le fameux ministre qui a mis à plat les collèges, c'était le parrain de la fille d'un espérantiste. Donc, plus près que ça, il n'y avait pas. Il disait, mais. Tu comprends bien que moi je suis pour, mais en tant que ministre, je ne peux pas proposer ça. Ça, c'est la politique. Et on a eu aussi Santini, qui était ministre de la Culture. Donc, à l'époque, on organisait un festival annuel de théâtre-chanson en espéranto. Donc, il vient, c'est déjà pas mal, et puis il voit que ça marche, qu'il y a des théâtres en espéranto. Et il dit c'est pas possible. Faites-moi un dossier pour mon collègue de l'éducation nationale. Hein. Et puis ça s'arrête là. Alors justement, tous les députés, enfin du moins en France et ailleurs c'est pareil, c'est on attend que le peuple dise nous voulons l'espéranto. Oui, on fait ce que le peuple nous demande. Avec ça, ouais. Il nous a demandé si vous voulez l'euro. Non mais je veux dire, l'euro c'est un bel énorme. Et comme les gens ne vont pas partir, nous voulons l'espéranto, ça s'arrête là. Mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais enfin, bon, moi, je ne perds pas espoir, parce qu'effectivement, ceux qui font le choix de l'apprendre et de le pratiquer, je pense qu'ils ne sont pas déçus. Bon, Marc, toi qui le fais avec les écolos, enfin... Les écolos, sont très espérantistes. Eh bien, oui. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de... Le problème, c'est qu'il n'y a pas de relais. Oui, oui. Ça reste une grande question comme ça. Oui. Est-ce que vous savez quelles sont les principales revendications des jeunes en Afrique, les principales motivations, pardon, ben justement, pour eux, le problème d'une langue de communication, c'est évident. Ils en passent par le généralement tous quatre, hein, celle du village, celle du village d'à côté, la langue officielle du pays, et selon l'ancien colonisateur, français, anglais ou portugais. Donc pour eux, c'est évident, évident. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après, justement, qu'est-ce qu'on peut leur proposer, puisqu'ils ne vont pas pouvoir voyager, à peine recevoir des gens, mais ils ne peuvent pas recevoir chez eux, parce qu'on ne va pas les faire coucher dans la case sur la terre battue. Mais justement, eux, ils sont vraiment dans la compréhension de l'utilité d'une langue internationale qui n'abaisse pas les uns, qui ne domine pas les autres. Qui n'est pas une langue de l'ancien colonisateur. Oui, oui. Ça, justement, ils sont très, très sensibles. Et justement, ce qu'il y a aussi, c'est qu'avec Internet, ils ont accès maintenant à des sources autres que celles qu'on peut leur imposer à travers le français ou l'anglais. Est-ce qu'on continue autour? Mais il ne reste pas beaucoup de temps. Est-ce qu'on continue autour d'un verre? Moi, il me reste 10 minutes. Que tu boives au moins un petit coup pour la route, là. Merci. Ben, merci à toi. Et puis, bonne continuation, parce que ça fait partie de ces causes qui sont... Il faut en vouloir.